Chapitre 2e. La solitude, mineur et chasseur. Je me suis donc mis en quête des choses les plus nécessaires pour travailler. D'abord, j'achetai d'un Américain qui retournait à New York une cabane et tous les outils à l'usage du mineur. Je choisis un claim dans le haut de la vallée où j'étais seul avec mes pensées. Ma cabane n'était ni vaste ni élégante, mais elle était commode, ce qui était le principal pour moi. Mes lecteurs ne seront peut-être pas fâchés d'en avoir la description. D'abord, elle était située sur le bord gazonné et fleuri d'un ruisseau et adossée à un cèdre qui n'avait pas moins de 20 pieds de diamètre à sa base. Ma villa, bien moins large, ne mesurait pas 8 pieds sur les 4 faces. Sa maçonnerie consistait en branches de cèdre. Le toit était formé avec des planches du même bois, fendues à la hache, et qui, superposées les unes sur les autres comme des ardoises, me garantissait assez bien des intempéries de l'air. Au milieu, j'avais un petit poêle de tôle et pour batterie de cuisine un unique poêlon qui me servait aussi bien pour faire la soupe que pour rôtir mon gibier. Dans le fond de la cabane était mon lit de camp formé de 4 pieux enfoncés en terre et joints par 4 traverses sur lesquelles était clouée de la toile. Quant à la literie, elle se composait d'un sac de campement rempli de feuilles de chêne. Au-dessus de ma couche, à la tête, était placée, comme une égide, une miniature représentant les traits d'un être chéri. De chaque côté étaient suspendues ma bonne carabine et mon revolver. Derrière ma cabane, j'avais défriché un jardin que j'avais entouré d'une palissade de branches et j'avais semé des fleurs et des légumes de France qui y poussaient merveilleusement. Près du jardin, il y avait un petit four haut d'un pied et demi dans lequel je faisais du pain que je trouvais délicieux. Le mineur auquel j'avais acheté ma cabane m'avait cédé aussi quelques provisions englobant, entre autres denrées, 40 livres de farine avariée, mais qui n'en étaient pas moins d'une immense valeur pour moi. J'avais découvert à environ 1 mille de mon habitation une petite société de 4 mineurs canadiens d'origine française avec lesquels je me liais bientôt d'amitié. Quoique d'une éducation inférieure, c'était d'honnêtes jeunes gens. J'ai toujours eu à me louer des relations que nous eûmes ensemble, et j'étais assez heureux pour faire leur fortune. Je crois déjà avoir dit la composition de mon lit. Or, un jour, par une belle après-midi de soleil, j'étais monté sur la colline avec mon sac de campement et mon fusil sur l'épaule. Ayant trouvé une excavation remplie de feuilles sèches, j'y entrai jusqu'à la ceinture et me mis avec les pieds et les mains à en remplir mon sac. Je revins dans mon gîte après avoir tué sur la montagne quelques menus gibiers. Quand j'y arrivais, il était nuit close, et après un léger repas, je me jetais sur mon lit de camp. La fatigue amena bientôt le sommeil. Vers les 3 heures du matin, quand le sommeil fut devenu plus léger, je sentis quelque chose qui parcourait mon lit de campement et qui remuait d'une manière peu rassurante. Pensant que c'était un rat, je portai la main dessus au travers du sac, et frissonnant d'horreur, je sentis la forme d'un serpent qui porta la tête vivement vers ma main. D'un bond, je fus hors de ma case et me dirigeai vers celle de mes voisins les Canadiens, auxquels je racontai ma mésaventure et les engageai à me suivre à ma cabane. Rentré avec eux, je vidai le contenu de mon sac, d'où je vis s'échapper un serpent à sonnette de la plus belle venue, qui alla se cacher sous un tronc d'arbre abattu près de mon jardin. Je voulus en approcher pour le considérer à mon aise, mais le monstre, oubliant que je l'avais réchauffé dans mon sein, se rua sur ma baïonnette que je lui présentais et se mit à mordre le canon de mon fusil. Craignant qu'il ne me mordît moi-même, je mis le doigt sur la détente de ma carabine et le coup ayant fait balle, il fut littéralement coupé en deux. Après l'avoir mesuré, nous pûmes constater sa longueur qui dépassait 4 pieds 2 pouces. Je lui coupai la queue à laquelle était adaptée 12 de petits grelots d'écailles qui rendaient un son sec quand ils étaient mis en mouvement. C'est ce que l'on appelle vulgairement la sonnette du serpent. Il paraîtrait que, sans y faire attention, j'avais fait entrer ce serpent dans mon sac de campement, chose facile à cette époque de l'année où ils sont engourdis par le froid et roulés sur eux-mêmes. Dans ces contrées, nous avions encore un autre genre d'ennemi à craindre, qui n'avait pas besoin d'être introduit dans le logis et qui savait bien y venir sans invitation si l'on oubliait de fermer sa porte. Un certain soir de dimanche, comme je travaillais dans mon jardin, car je ne m'occupais de sa culture que tous les septièmes jours, je vis l'ombre d'une bête ressemblant à notre loup cervier d'Europe, et bondissant hors de ma case pour gagner la forêt. Ayant saisi mon fusil que j'avais près de moi, je le déchargeai sur l'animal qui, se sentant piqué par le plomb, lâcha un dindon sauvage que j'avais tué la veille tout en travaillant à mon claim. C'était un coyote, animal très commun dans ces contrées. Il rôde constamment autour des placers pour se nourrir des détritus de toutes sortes que les mineurs jettent sur la voie. On m'avait souvent parlé d'un marais très giboyeux qui devait se trouver à 6 000 au sud de Nevada City. Je fus tenté d'aller le visiter, et comme je venais de faire l'acquisition d'un mulet, en prévision des longues excursions que je projetais, je résolus d'emmener avec moi cet animal pour faire l'essai de ses qualités ou de ses défauts. Ma peau d'ours ployée en quatre me fit un bas des plus confortables, que je fixai sur le dos du quadrupède avec une sangle de la tente que mes co-associés avaient abandonnée à Grace Valley lors de leur départ. Je confectionnai un bridon et des étrivières par le même moyen. Dans cet équipage, je pris le chemin du marais, où je ne serais certes pas arrivé avant l'aube du jour, sans la rencontre d'un mineur qui eut l'obligeance de me mettre dans mon chemin. À 100 mètres environ du bord, on apercevait dans la pénombre un buisson de roseaux sous lequel j'allais m'embusquer. À chaque instant, des canards et des sarcelles venaient effleurer mon visage de la pointe de leurs ailes. J'en abattis même plusieurs avec le canon de mon fusil, mais ce n'était point à la race emplumée que j'en voulais. Je visais à mieux que cela. De temps en temps, j'étais obligé de faire changer de place mon mulet, car le fond n'étant pas très solide, je courais risque de le voir s'embourber, si je n'avais pas eu recours à cette précaution. Il y avait près de 3 quarts d'heure que j'étais dans cette position, et le jour commençait déjà à paraître, quand mon attention fut attirée par un bruit vague venant de la montagne à laquelle était adossé le marais. J'avais à peine eu le temps d'ajouter 2 balles à celles qui étaient déjà dans mon fusil, qu'une magnifique troupe de cerfs et de biches apparut sous la lisière de la forêt. À leur tête, à 10 pas environ, marchait un superbe cerf dicore qui, s'arrêtant avec l'air inquiet, leva sa belle tête en l'air en reniflant. Je compris à son inquiétude que j'avais été éventé, et dans la crainte de les voir rentrer sous bois, je fis feu de mes 2 coups. Je ne pus juger de leur effet car je me sentis lancé dans l'espace et ne m'arrêtai qu'au fond du marais. C'était mon scélérat de mulet qui, effrayé par l'exposition de mon arme à feu, avait jugé à propos de faire un vigoureux écart et de se séparer de moi. Aussitôt que j'eus pu me mettre sur mes pieds, je l'aperçus qui pointait vers la forêt. Je me mis immédiatement à sa poursuite et pus enfin l'atteindre grâce à son bridon dans lequel il s'était pris une jambe, ce qui le forçait à galoper sur les 3 qui lui restaient libres. Quoique je fusse couvert de vases et trempé jusqu'aux os, je me dirigeai à l'endroit de la forêt où m'avait apparu le troupeau, et j'y trouvai avec une joie extrême un très beau cerf étendu sur le sol, le flanc traversé par une de mes balles. C'était une fiche de consolation dans mon malheur. Je fus plus vite consolé que séché, car mon âme douce étant ressentie du bain forcé que je venais de prendre, je ne pus allumer de feu pour me sécher, et je dus charger le soleil de ce soin. Étant parvenu avec beaucoup de peine à charger intact ce cerf sur mon mulet, je me dirigeai vers Nevada City, où je me proposais de vendre mon gibier. J'y arrivai vers le midi, juste au moment où les mineurs rentraient de leur claim pour dîner. Je m'avançai bravement au milieu de l'unique rue du village en criant en anglais « Venison at $1 a pound !» Cette bonne idée fut couronnée de succès, car à peine étais-je arrivé au bout de la rue, qui n'avait pas 600 mètres de long, que j'avais tout vendu à raison $1 la livre et me trouvais avoir gagné 800 francs en poudre d'or. Une autre bonne aubaine se présenta. 2 frères nantais, messieurs D, qui tenaient une taverne et auxquels j'avais vendu un des gigots de mon cerf, m'invitèrent à dîner et me dirent au dessert que si je voulais m'engager à leur fournir du gibier pendant toute l'année, ils s'engageraient eux-mêmes à me le prendre tout à des prix débattus entre nous. J'acceptai pour tout le temps que je resterais à Grace Valley, sans me lier cependant pour un temps déterminé, et notre parole de breton remplaça l'acte sur papier timbré. Dans ce village, comme dans tous les placers, l'or et l'argent monnayés n'étaient point employés. Dans les transactions commerciales, Toute denrée était vendue et payée en poudre d'or. Aussi voyait-on sur le comptoir de chaque marchand une balance servant à peser la marchandise et une autre d'un plus petit modèle pour en peser le prix. Chaque mineur était nanti d'une bourse en cuir en guise de porte-monnaie où était renfermée la poudre d'or qu'il consacrait à ses menus achats. Ce ne fut que quelque temps avant le coucher du soleil que je pus me mettre en route pour Grace Valley, porteur d'une somme assez ronde.